Bonjour Mathieu et à demain. Depuis quelques décennies, les scientifiques tendent leurs oreilles et leurs micros à la biodiversité. Quand les oiseaux, les insectes ou les singes donnent de la voix, on les écoute et on essaie de comprendre comment fonctionnent leurs échanges vocaux ou encore ce qu'ils signifient. Mais au-delà de l'écoute de ces chants si particuliers, la captation à plus grande échelle des vocalises animales dans leur écosystème nous permet d'en savoir plus sur leur évolution, leur déplacement et leur disparition. Et quand on lit qu'en 50 ans, 50% des sons de la nature ont disparu, on se dit qu'il faut se dépêcher d'enregistrer le chant du monde avant que la musique ne s'arrête. Acoustique, quand la science écoute le chant du monde, c'est le programme fragile et mélodieux auquel nous tendons l'oreille tout au long de cette heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment on met la nature sur écoute pour mieux en saisir son fonctionnement et son évolution, nous recevons aujourd'hui Jérôme Sueur, bonjour. Bonjour. Vous êtes éco-acousticien et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle. À vos côtés Thierry Aubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe communication acoustique au laboratoire neurobiologie de l'apprentissage de la mémoire et de la communication à l'université Paris-Sud Orsay. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur votre poste de radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast, et pour consulter les éléments qui nous ont aidés à préparer cette émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter @laméthodefc. Thierry Aubin, vous avez apporté ce son dans vos bagages, alors qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Et il y a un petit oiseau chanteur qui s'appelle l'alouette des champs, qui était un oiseau d'ailleurs assez commun de nos campagnes, qui, comme beaucoup de ces petits oiseaux, a tendance à disparaître de nos campagnes. Et donc, là, il est en train de chanter au-dessus de son territoire. Et son territoire, c'est l'Île-de-France. Et ce qui est amusant, c'est qu'une alouette d'Île-de-France, elle n'a pas la même voix qu'une alouette bretonne. Alors voilà, ce que nos auditeurs ne savent pas encore, mais qu'ils vont découvrir, c'est qu'on vient de se livrer à un exercice simple de bioacousticien. Alors Thierry Aubin, vous nous avez apporté ces sons. Comment est-ce qu'on définit la bioacoustique et qu'est-ce que c'est que cette discipline et qu'est-ce qu'elle nous permet d'étudier ? Donc la bioacoustique, c'est une science qui a déjà pas mal d'années et qui étudie finalement les communications acoustiques animal, j'allais dire homme compris, qui est un animal comme un autre. Hein. Et donc on essaye de comprendre, je mettrais des guillemets, le langage, en particulier le langage animal. Jérôme Sueur, comment est-ce qu'on a découvert par exemple que les oiseaux et peut-être d'autres groupes d'animaux avaient des dialectes ? En comparant simplement les enregistrements faits dans différentes populations qui sont plus ou moins distantes, je crois qu'un des cas classiques c'était les pinsons du sud-ouest de la France et les pinsons de la région Île-de-France, et on voit de nettes différences fréquentielles, temporelles, enfin dans la structure des sons. Thierry Aubin, sur cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres espèces d'animaux comme ça qui ont des accents particuliers ? Oui, bien sûr. En fait, on peut se poser la question, comment sont nés ces accents, surtout ? Pourquoi il y a des accents ? C'est tout simplement dû au fait que un certain nombre d'espèces animales apprennent leur vocalisation, tout comme nous, on apprend à parler. Il y a beaucoup, un certain nombre d'animaux qui apprennent leur vocalisation. Alors, chez les oiseaux, il y a, je dirais, un peu plus de la moitié des oiseaux. Tous les petits passereaux qu'on voit dans les jardins, etc., les rouges-gorges, les troglodytes, les mésanges, tout ça, apprennent, ne savent pas chanter s'ils n'ont pas appris avant. Et il y a d'autres espèces, pour rester chez les oiseaux, il y en a bien connu, les gens sans doute, c'est les perroquets et les perruches. Hein. Et puis vous avez aussi une autre catégorie d'oiseaux qui sont les colibris. Maintenant, si on va chez les mammifères, on en trouvera aussi, les cétacés, en particulier les baleines et tout ça. Apprennent aussi leur chant, c'est les chants des baleines à bosse, hein, sont des chants appris. Il y a aussi les chauves-souris qui apprennent, et les primates humains, en tout cas, qui apprennent. Jérôme Sueur, on parle ici d'apprentissage, mais je crois aussi que l'environnement a beaucoup d'importance dans le type de son qu'émet un animal. Un animal n'émettra pas les mêmes types de vocalises selon qu'il habite une plaine, une jungle ou un désert. Alors oui, mais si on se place dans un cadre évolutif, donc sur vraiment le temps long, les temps géologiques, on s'est aperçu en effet que les espèces apparemment dans des milieux fermés tels que les forêts ou dans des milieux ouverts tels que des prairies avaient des caractéristiques fréquentielles qui se ressemblaient, qui étaient peut-être liées aux contraintes de propagation des sons. Il y a une observation qui était faite notamment en Amérique du Sud où il y aurait une sorte de fenêtre fréquentielle où on aurait la majorité des oiseaux qui chanteraient dans cette fenêtre, et c'est là où les sons se propageraient le plus loin dans la forêt tropicale. Thierry Aubin, si on fait un petit peu d'histoire des sciences, la bioacoustique, quand est-ce qu'elle est née, quand est-ce qu'elle s'est développée et à partir de quel endroit ? Je dirais surtout dans les années 60, et là on pourrait presque faire cocorico, puisque il y avait un laboratoire de l'INRA qui a lancé ça et qui s'est fait connaître internationalement. Et je placerais ça dans les années 60. Oui. Comment cette discipline finalement s'est installée ? Et puis j'imagine que tout dépendait aussi pas mal, on y reviendra plus tard, mais du matériel, des microphones qui existaient à l'époque. Oui, ça s'est donc en effet vraiment développé après-guerre avec des motivations qui étaient peut-être plutôt d'ordre stratégique et militaire, sous-marin. Et en effet, le premier développement, c'est avec l'arrivée des magnétophones portatifs qu'on utilisait aussi en radio, c'est à peu près les mêmes techniques. Donc ça, jusque dans les années 80-90, après avec les nouveaux supports numériques. Et là, ça explose depuis les années 2000 avec l'apparition des magnétophones numériques, comme les appareils photo, quoi. C'est à peu près la même évolution. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On parle tout au long de l'heure dans la méthode scientifique sur France Culture de bioacoustique et d'écoacoustique avec Thierry Aubin et Jérôme Sueur. Alors la bioacoustique, cette discipline dont on vient de parler, écoute tout type d'espèces animales. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes allé à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle voir une bioacousticienne qui se rend justement régulièrement en forêt tropicale pour étudier in situ des insectes et leurs comportements. Oui, alors cette bioacousticienne s'appelle Laure Desutter. Elle est professeure au muséum et spécialiste des orthoptères, c'est-à-dire un groupe qui comprend entre autres les grillons, les sauterelles ou bien les criquets. Elle m'a emmenée dans son terrarium qui héberge plusieurs espèces de grillons qu'elle a ramenées de ses voyages dans les zones tropicales. Elle y étudie la communication acoustique entre les individus et en plaçant sur écoute ces individus, elle cherche à identifier les différents sons produits pour arriver à les associer à des comportements typiques. De cette manière et avec l'aide d'outils logiciels, il est même possible de découvrir des nouvelles interactions, voire en situation réelle, des nouvelles espèces. Je travaille sur des insectes orthoptères, essentiellement des ensifères et essentiellement des grillons. Et quand on travaille sur des grillons, ce qui est le plus important, c'est, d'après la biologie des espèces, c'est la communication. Et la communication acoustique a une part très importante dans la biologie des espèces. En fait, là, c'est un endroit où je garde des spécimens vivants. Souvent, quand on rentre du terrain, quand on rentre de mission de collecte, on a des juvéniles. Et les juvéniles sont très difficiles à identifier. Donc, on essaye de ramener des individus vivants pour les amener à l'état adulte et les enregistrer pour mieux les connaître. Alors, de quelle manière vous travaillez quand vous allez sur le terrain ? Est-ce que vous munissez d'enregistreurs, de capteurs spécifiques ? Alors, il faut savoir déjà que les grillons sont essentiellement des espèces qui vivent dans les milieux tropicaux. Et en fait, quand on va travailler sur le terrain, on essaye déjà de ne pas piéger. Par contre, on essaye de les collecter directement à vue, de jour et de nuit, pour avoir des observations sur les habitats. Quand ils chantent, quand on voit qu'ils communiquent, on essaye de les filmer, de les enregistrer. Donc on a des tout petits enregistreurs, moi j'utilise un Tascam, qui nous permettent d'enregistrer, pas uniquement dans les basses fréquences de la voix humaine, mais dans des hautes fréquences, dans les ultrasons, parce qu'il y a certaines sauterelles, par exemple, qui chantent jusqu'à 120 kHz. Donc c'est extrêmement haut, c'est bien au-delà des émissions des chauves-souris, par exemple. Comment, en pratique, vous déterminez les environnements à étudier et comment, après, vous exploitez les enregistrements? En fait, on essaye d'aller dans tous les milieux possibles et imaginables, les milieux naturels et les milieux également anthropisés, parce que ce ne sont pas les mêmes espèces que l'on va y trouver. Et en fait, quand on aborde l'évolution de la communication acoustique, on a besoin de documenter la biologie de toutes les espèces qui sont dans ce que l'on appelle un groupe monophylétique, un clade. Donc à partir du moment où on est obligé de documenter la biologie, on est obligé de s'adapter et d'aller dans tous les milieux. Moi, je sais que je vais préférentiellement en forêt tropicale. Je suis essentiellement active la nuit, mais il y a des espèces qui sont également actives de jour, donc on est actif de jour et de nuit. Et quand on arrive à les observer en train de chanter, on essaie de collecter le spécimen, parce que ça nous permet d'avoir à la fois le chant et l'appareil qui a permis d'émettre le chant, pour comprendre quelle est la structure du chant et comment chaque élément du chant a été émis. En analysant les enregistrements, vous arrivez à reconnaître des motifs qu'on peut associer à un comportement donné, à des signaux caractéristiques? En fait, chez les grillons, on a trois grands groupes de signaux acoustiques qui sont émis. Il y a un signal d'appel, c'est en général celui qui est le plus connu, parce qu'il est le plus fort, il est le plus typique des espèces également. Donc ça, c'est le chant que le mâle émet pour attirer la femelle à distance. Après, quand la femelle arrive vers le mâle, il y a ce qu'on appelle un chant de cour, qui est émis par le mâle, qui est plus doux, qui est plus bas. Les élytres sont plus rabattus sur le corps, alors que pour le chant d'appel, les élytres sont carrément disposés presque à 90 degrés par rapport au corps de l'animal. Et là, le chant de cour va mettre la femelle en bonne disposition pour se reproduire. Par contre, si un mâle rencontre un autre mâle, il peut y avoir un chant d'agressivité, surtout sur les espèces territoriales, comme par exemple les grillons des champs. Donc les espèces qui nous entourent là proviennent d'Afrique équatoriale? Il y en a qui viennent d'Amérique, il y en a qui viennent de Nouvelle-Calédonie, il y en a qui viennent des Antilles. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir justement faire des enregistrements d'un nombre d'individus suffisant pour pouvoir caractériser le champ de l'espèce et voir comment il varie. Donc ça nous offre toutes sortes de possibilités d'études en laboratoire sur le comportement des espèces. Et comment vous arrivez à reproduire un environnement similaire à celui d'origine pour leur bon développement? En fait, on essaye de garder une température autour de 25 degrés. Ce qu'il faut surtout, c'est que les espèces aient beaucoup d'eau à disposition. Donc nous, on met des cotons humides où ils peuvent aller boire. On les voit dans les terrariums, hein, ces grosses boules de coton humide sur lesquelles viennent s'agglomérer les individus. Ils ont l'air bien, là? Oui, ils sont très très bien. Ils grimpent sur les petites branches, ils se camouflent sous les feuilles. En fait, on leur met de la litière, on leur met des branches pour ceux-là qui ont l'habitude de se percher, par exemple. Et là, on voit, il y a deux mâles qui sont en interaction. Là, il y a une femelle qui va pondre dans le coton humide. Là, il y a un mâle qui chante. Et il y a une femelle juste à côté, on le voit chanter. Hein. Il relève ses élytres et il les frotte l'un contre l'autre, ce qui produit le chant. Mais visiblement, la femelle n'est pas d'accord. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits, hein. Ceux-là par exemple. Oui, puisque là, ils étaient quand même de grande taille. Voilà, c'est des grillons qui sont un peu comme des araignées, en fait, et qui courent dans la litière. Ça, c'est des espèces, c'est une espèce de Guadeloupe. Elles courent sur le sol et des fois, les mâles se perchent à la base des troncs pour chanter. Et c'est un petit chant très doux, tri, tri, tri, qu'on entend très facilement dans les forêts en Guadeloupe. Donc on voit que ces outils-là acoustiques permettent vraiment d'entrer dans la compréhension plus fine des interactions intra-espèces. Est-ce qu'on a pu, de cette manière-là, découvrir d'autres types de comportements, voire de nouvelles espèces? Bien sûr, c'est un des éléments pour détecter justement les nouvelles espèces, parce que des fois on a ce qu'on appelle des espèces cryptiques, des espèces qui peuvent être très difficiles à distinguer du point de vue morphologique, mais qui ont des chants différents. Donc à partir du moment où il y a un chant différent, il y a de fortes chances pour que ce soit une espèce différente. Donc là, on approfondit l'étude, on fait des études moléculaires, On va voir les génitalia également, qui sont des structures extrêmement importantes pour déterminer les espèces et décrire des nouvelles espèces. Et le chant est un élément fondamental. À partir de là, on a une autre domaine d'étude qui a été créé récemment, qu'on appelle l'écho-acoustique, et qui est justement le fait d'étudier l'ensemble des chants qui sont émis en un temps donné, en un endroit donné, pour étudier la biodiversité sans intervenir, donc de manière non invasive. Et ça, ça permet par exemple de qualifier la qualité du milieu. Si on a très peu d'espèces qui chantent, souvent ce sont des milieux perturbés. Voilà pour ce reportage au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors une réaction éventuellement à ce que vous venez d'entendre, Jérôme Sueur? Bah écoutez, moi je m'envoie au laboratoire déjà. Non, mais ce que fait Laure est en effet extrêmement intéressant. Donc elle c'est une documentaliste de la diversité de ces grillons, qui permet donc de répertorier ces grillons et qui font partie des espèces indicatrices par l'acoustique de ces forêts tropicales. Donc grâce à ces descriptions, on a besoin de ces descriptions, nous, pour après, en effet, ce qu'elle évoque à la fin, faire de l'écho-acoustique et faire du suivi de la biodiversité juste en l'écoutant. Thierry Aubin, réaction, reportage? C'est intéressant parce que en fait c'était un des premiers, les orthoptères ont été les premiers à être étudiés vraiment par ce laboratoire que j'évoquais, dont j'ai oublié de donner le nom du directeur d'ailleurs, qui est Busnel, et qui vraiment s'est penché, a été tout de suite intéressé par ces communications chez des insectes. Alors on l'entend aussi dans le reportage, la communication entre insectes et entre animaux globalement dépend aussi d'une question de fréquence, et tous les animaux ne communiquent pas dans cette même bande fréquence de son. Alors comment est-ce que, quand on est bioacousticien, écoacousticien, on va venir à la définition de l'écoacoustique ensuite, comment on s'adapte à ces différences de fréquence? Oui, il est évident que si on a affaire à de l'audible, on a une catégorie de matériel qui est fait pour enregistrer de l'audible. Après, Laure de Sutter, elle a parlé du monde ultrasonore. C'est un autre type de matériel. Maintenant, ce qu'a évoqué Jérôme Sueur, avec l'arrivée du numérique, on a toute cette palette qui permet d'enregistrer des infrasons aux ultrasons, puisque vous avez des animaux qui produisent des infrasons. Les gens connaissent maintenant un peu, je crois, l'histoire des éléphants, hein, qui communiquent au loin avec ces infrasons. Et on connaît aussi, par exemple, l'exemple typique des ultrasons, c'est les chauves-souris, par exemple, mais aussi, on le voit, certains orthoptères. Jérôme Sueur, à la fin du reportage, Laure de Sutter évoquait la notion d'écho-acoustique. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir l'écho-acoustique à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec cette notion? Oui, l'écho-acoustique, donc, c'est une discipline qu'on a créée il y a quelques années au muséum, qui est en fait une autre approche de l'univers sonore animal. C'est qu'on essaye d'utiliser les sons produits par les animaux pour traiter des questions écologiques, de suivi de la biodiversité. Donc, on ne s'intéresse plus directement au comportement animal, on utilise le comportement animal poursuivre les populations, les communautés, les écosystèmes naturels. Alors Thierry Aubin, comment on fait justement pour enregistrer cette biodiversité? Cette fois, on comprend bien qu'on change d'échelle. Oui, écoutez, on se met dans des milieux donnés que l'on veut suivre d'une année sur l'autre, par exemple, hein, pour voir l'évolution possible de cette biodiversité. Donc, tout au moins des animaux qui sont vocaux, hein, non. Et donc... Il y a plusieurs techniques à l'heure actuelle. Il y a des appareils automatiques, si vous voulez, qui sont mis... donc on accroche ça, par exemple, dans une forêt à un arbre, et qui vont enregistrer. On peut les programmer, on peut dire de telle heure à telle heure, ou tel jour, etc. Et puis on peut mettre aussi des forêts de micros, j'allais dire, pour enregistrer un espace plus large, et en même temps... pour faire d'autres choses du type localiser aussi des fois les sources sonores, parce que avec le son on peut aussi localiser. Comment on pense ces dispositifs-là selon l'environnement, justement? Comment, par exemple, on va enregistrer une jungle, un océan, un désert? C'est assez compliqué, en fait. Ça nous prend pas mal de temps de penser, en effet, comment on va collecter les sons. On a des contraintes d'espace, de temps. On a des contraintes techniques, de stockage des données, d'utilisation des batteries. Et il y a des contraintes acoustiques. Dans l'océan, les sons peuvent se propager très loin. Donc, on va pas utiliser les mêmes espacements entre les micros que dans une forêt tropicale où les sons ne vont pas forcément très loin parce que les arbres, les feuilles vont les bloquer, vont les arrêter. Donc il faut avoir des connaissances sur les propriétés acoustiques dans l'environnement, et c'est aussi extrêmement lié aux questions que l'on se pose. Qu'est-ce que l'on veut savoir? Est-ce que on veut savoir comment se distribue une espèce dans le milieu? Est-ce qu'au contraire on va être plus dans l'échelle temporelle sur le long terme? Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour pouvoir bien disposer en temps et en espace nos petits robots, en fait. Nous sommes au cœur du Zimbabwe et le soleil va bientôt se lever. Je suis assise derrière des broussailles, immobile, pour ne pas effrayer la faune qui est partout autour de nous. Il fait encore nuit, mais le ciel commence à se teindre des premières lueurs de l'aube. On entend les sons délicats des insectes, quelques oiseaux, et par-ci, par-là, les aboiements des babouins qui s'éveillent. Il fait à présent presque jour, et tous les animaux se mettent à vocaliser. On a d'abord l'impression que leurs voix se mêlent, qu'elles s'embrouillent dans une cacophonie chaotique. Alors qu'en fait, il se passe quelque chose de très particulier. Comme si chaque espèce d'animal occupait son propre territoire sonore. Les insectes produisent les sons les plus aigus. Les oiseaux et les grenouilles, eux, sont juste un peu plus graves. Et à l'extrémité grave du spectre, chantent la plupart des mammifères, à part les chauves-souris, qui, étrangement, ont la voix la plus aiguë de tous les animaux. En fait, c'est logique. Pour communiquer, pour que leurs voix puissent être entendues, elles doivent s'exprimer sur des fréquences libres. On remarque également, quand un oiseau entre en compétition avec un autre sur une fréquence donnée, que l'un des deux s'arrête de chanter un moment pour permettre à l'autre d'occuper cette niche sonore. Et c'est seulement lorsque le nouvel arrivant a terminé que le premier recommence à chanter. J'ai toujours cru que les humains avaient été les premiers à ordonner les sons, comme on classe ceux des instruments d'un orchestre. Mais maintenant que je suis assise ici à écouter ce qui m'entoure, je réalise qu'il est très probable que ce soit une idée inspirée des voix animales autour de nous, à une époque où nous vivions plus étroitement connectés à la nature. Alors on entend la voix de la chanteuse Camille qui lit un extrait de texte de Bernie Krause, qui est l'un des pionniers de l'écho-acoustique, un Américain. Ouais. C'était en 2017 à l'occasion de l'exposition Le Grand Orchestre des Animaux à la Fondation Cartier. Alors messieurs, je suis désolé, je vous ramène au travail, je vous ramène au boulot, au bureau. On y est bien. Voilà, qu'est-ce que ce type de son nous dit finalement sur la discipline de l'écho-acoustique et comment on s'adapte comme ça à tous ces niveaux de fréquence, à tous ces chants, à tous ces cris différents quand on est sur le terrain, Jérôme Sueur? Alors, donc, l'idée de Bernie Krause, en effet, c'est cette idée de niche sonore où chaque espèce occuperait un volume sonore, un espace sonore dans l'espace sonore total. Et ça lui est, cette idée lui est venue, en effet, en Afrique. Et c'est ce qu'on observe le plus souvent dans des environnements qui sont le moins perturbés possible. Mais c'est aussi ce que l'on n'observe pas. On ne sait pas toujours vérifier. Donc ça reste une hypothèse à tester, qui est très difficile à tester expérimentalement. On ne fait quasiment que par l'observation. Donc en effet, on a plutôt les mammifères en basse fréquence, les oiseaux, les amphibiens, et après il y a en tout cas en forêt tropicale un espace qui est occupé par les insectes, puis les chauves-souris. Bon, les chauves-souris ne sont pas allées occuper l'espace, enfin, je pense ultrasonore, en évitement aux autres. Peut-être que c'est une des forces évolutives, mais il y a aussi tout un contexte de navigation dans l'espace puisqu'elles utilisent des systèmes radars. Donc elles envoient des ultrasons et elles reçoivent leurs échos, ce qui leur permet d'entendre un peu, de visualiser leur environnement. Et donc là, les ultrasons sont plus adaptés que des sons basse fréquence. Thierry Aubin, quand vous écoutez ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Ah ben, d'avoir des sons d'ambiance comme ça, c'est toujours sympathique. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. Simplement, pour compléter, en fait, il faut bien voir qu'il y a une espèce, dans un milieu où il y a plusieurs espèces, il y a une espèce de balance qui va se produire entre ce que Jérôme expliquait, qui est ce phénomène dans un milieu donné, par exemple une forêt, Il faut, pour que ça se propage, que les sons se propagent bien, on a tendance à converger, puisque les sons vont converger vers un optimum. Donc, beaucoup d'espèces vont essayer d'occuper cet espace, par exemple, en fréquence. Fréquence grave pour les forêts. Et en même temps, il y a ce problème, se faire entendre. Donc il y a c'est ce problème de niche acoustique où on essaye d'éviter le recouvrement de fréquences ou le recouvrement en temps, etc. Donc il y a toujours, c'est la biologie, hein, il y a toujours ces espèces de balance entre ces deux systèmes. Soit on va d'un côté vers une convergence, d'un autre côté on va vers une divergence pour se faire entendre. Une convergence pour que le signal se propage loin, de façon optimum, et divergence pour se faire entendre. Ça signifie, d'un point de vue évolutif et d'un point de vue de la coexistence des espèces animales, qu'il y a comme une sorte de série de petites cases dans lesquelles s'insèrent sonorement les espèces animales, Jérôme Suard ? Oui, c'est possible. C'est cette théorie de la niche sonore où chacun occuperait une place. Mais en effet, il y a ce que dit Thierry, c'est ces deux forces sélectives qui vont dans des sens opposés. Donc il y a aussi de la convergence. Donc, mais c'est vrai qu'on observe en forêt tropicale, notamment au niveau fréquentiel, donc la hauteur des sons, on voit des bandes de fréquences et avec relativement peu de chevauchement. C'est assez étonnant. Quand on parle d'écho-acoustique comme ça, et on l'entendait dans ce paysage, dans cette carte postale sonore recueillie par Bernie Krause, on se demande comment on traduit ça quand on est à l'écoute. Comment est-ce que finalement on décortique un objet sonore comme ça quand on travaille sur ces sujets-là? Alors, en fait, on n'écoute plus trop, surtout parce que comme on a ces appareils qui enregistrent pour nous, on obtient énormément d'enregistrements. On a de l'ordre de centaines de milliers, voire millions d'enregistrements. Le big data arrive là aussi. Voilà, on est dedans, le big data. Et donc, appelle des techniques liées au big data, soit de reconnaissance automatique, de classification automatique. Donc, on va vers l'apprentissage machine, l'apprentissage profond, le deep learning, pour dire le nom anglais. Et donc, on écoute peu. On écoute quand même une partie parce que toutes les techniques qu'on utilise, on veut savoir si elles fonctionnent ou pas, quelles sont leurs marges d'erreur. Donc on fait ce qu'on parle de sous-échantillonnage, on prend une sélection des enregistrements, on applique les algorithmes et on regarde s'ils fonctionnent ou pas. Donc on a toujours besoin, tout de même à un moment ou à un autre, de l'humain, de l'oreille humaine, et parce que pour l'instant on fait pas mieux. I can't look at the rocket launch, trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown, crazy auto car gonna mow me down, look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and unassertive, Like Birds, c'était la déclaration d'amour sifflotante aux oiseaux faite par le groupe Hills, puisque nous parlons tout au long de cette heure dans la méthode scientifique de bioacoustique et d'écoacoustique avec Jérôme Sueur, qui est écoacousticien et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Thierry Aubin, directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe communication acoustique au laboratoire neurobiologie de l'apprentissage, de la mémoire et de la communication à l'Université Paris-Sud d'Orsay. On parlait avant la musique de la nécessité d'adapter les dispositifs d'enregistrement au milieu naturel, parfois complexe, pour mieux saisir les sonorités des espèces qui les habitent. Jérôme Sueur, vous évoquiez même la quantité de données qui vous parviennent. Alors comment est-ce qu'on étudie des heures et des heures d'enregistrement sonore? Et qu'est-ce que vous cherchez à établir par ces enregistrements-là? Alors on a plusieurs solutions, on essaie d'avoir trois approches différentes. Soit on va chercher une espèce particulière qui va être une espèce indicatrice d'un milieu, d'un fonctionnement d'un milieu. Comme par exemple ? Comme on va chercher, je sais pas, le loup. Mm-hmm. On va chercher le loup, on va chercher le lynx, en haut tropique, on va chercher un oiseau. Là on a cherché le toucan, des toucans, parce qu'ils participent à la régénération de la forêt en mangeant les fruits et en rejetant les graines. Dispersant. Voilà, ce sont des animaux disperseurs, donc on a recherché le toucan. Donc là, on a des systèmes de reconnaissance automatique. On connaît le chant du, enfin le chant, oui, c'est un chant, un cri du toucan, et on va le rechercher dans tous nos fichiers. Soit on essaye d'identifier, enfin justement pas d'identifier, de compter le nombre de sons différents dans un enregistrement. On a un enregistrement d'une minute et on veut savoir combien il y a de sons différents de manière totalement automatique et on dit non supervisé, c'est-à-dire qu'on ne compare pas ça à une bibliothèque de sons. Et la troisième approche, c'est d'essayer de qualifier l'enregistrement total d'une minute et de lui donner une valeur qui correspondrait à sa diversité, à sa complexité sonore. Donc on parle d'indice acoustique. Et qu'est-ce que vous tirez justement de ces informations-là et qu'est-ce que vous en publiez comme étude, par exemple? Tout ça, c'est remis dans des questionnements écologiques classiques, mmh, de suivi de population, de perturbation de milieu, de pression anthropique. Donc nous, ça nous donne une manière de paramétrer l'environnement, mais via le son. Donc après, c'est des questions diverses écologiques. Là, sur le toucan, c'était l'effet d'une route à travers la forêt tropicale, en l'occurrence, et pas d'effet sur les populations de toucans. Thierry Aubin, on parle des toucans. Je crois que vous avez travaillé sur les caïmans. Alors, quel son ça fait, un caïman? Et puis, qu'est-ce que vous êtes allé chercher autour du son du caïman? Alors là, donc, nous, c'était par rapport à des intérêts de comportement, hein. Donc une discipline de l'éthologie, parce que la bioacoustique s'attache beaucoup. Les communications, c'est quelque chose de très important pour beaucoup d'animaux, hein, et ça intervient dans beaucoup d'étapes de leur vie, etc. Se nourrir, se reproduire, alerter d'un danger, etc. Donc on s'intéresse souvent à ça dans cette optique-là, nous, donc, plus que dans une optique écologique. Et donc les caïmans, pourquoi les caïmans? C'est simplement, si vous voulez, on a beaucoup étudié les oiseaux, parce que c'est des maîtres chanteurs en quelque sorte, hein, qui ont des communications acoustiques extrêmement sophistiquées. Et d'un point de vue évolutif, justement, les caïmans, les crocodiles, alligators, etc., sont des archosaures, c'est-à-dire ils sont comme les oiseaux et comme les dinosaures, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, on s'intéresse, d'un point de vue évolutif, à comment on a évolué vers une communication acoustique sophistiquée type oiseau, en partant des caïmans. Alors, ce qu'on est allé chercher, c'est dans les caïmans, ils utilisent plusieurs catégories de sons. C'était pour montrer, c'est très peu étudié, ça a été très peu étudié. C'était pour montrer justement le lien entre la mère caïman et ses jeunes au niveau communication, qui est un lien assez fort. Et la mère va, les jeunes appellent au secours ou appellent la mère simplement pour qu'elle vienne. Il y a différentes catégorie de cris utilisées, ça c'était pas connu, donc on a décrit ça. Voilà. Et justement, ces sons peuvent après être utiles pour faire du suivi de population de caïmans ou de milieux humides en forêt tropicale. Donc on laisse d'abord Thierry aller se faire mordre, et après nous on utilise les sons, et on peut, voilà, la connexion entre la bioacoustique et l'écoacoustique est là. Nous on peut après exploiter entre guillemets ces recherches. Alors qu'est-ce que le son permet que l'image ne peut pas donner parfois? Dans la nuit, tout simplement. Alors Dans la nuit, il y a des systèmes de caméras. Les forêts tropicales, pourquoi tous les milieux obstrués, les milieux où il n'y a pas trop de lumière. Alors, il y a des systèmes de caméras automatiques aussi qui fonctionnent très très bien la nuit, bien sûr. Mais c'est vrai que on a accès à des sons qui peuvent être émis à une longue distance en milieu nocturne ou diurne. Et donc d'une manière totalement non-invasive et personne n'est là. On laisse les appareils et la nature est, se comporte, j'allais dire, naturellement, sans aucun biais dû à l'observateur. Thierry Aubin, comment on peut, dans un espace couvert comme une jungle par exemple, estimer le nombre d'espèces par le son et comment on peut dire cette population est plus dense à tel endroit, cette population est plus dense à tel autre endroit et voilà, quels avantages finalement apporte le son dans ces cas-là? Ah ben ça c'est assez simple, hein. C'est-à-dire comme le disait Jérôme, il y a plusieurs niveaux, soit on estime les densités de différentes espèces, donc la présence ou l'absence de ces espèces. Donc ça, les sons sont très différents en général. Les espèces, c'est facilement identifiable, en fait. Soit on peut pousser même plus loin intra-espèces et même on peut estimer des densités d'individus d'une espèce. Vous avez une voix, moi j'en ai une autre, on a chacun notre voix, et ben les animaux, c'est pareil, hein. C'est dû à des petites différences sur l'appareil vocal ou la façon de le commander. Et donc, on peut aussi, par l'acoustique, identifier tout à fait des individus, estimer leur densité. Alors, comme l'a expliqué Jérôme, si on veut faire un suivi, ben on fait ça, alors un suivi annuel, un suivi d'une année à l'autre ou d'une saison à l'autre. Et c'est ce qu'on fait, nous, en Guadeloupe, on suit des petites grenouilles, par exemple, qui sont endémiques de la Guadeloupe. Il y a deux espèces endémiques qui ne vivent que là et le parc naturel de la Guadeloupe nous a demandé de suivre ces deux petites populations et donc... Bah, c'est tout bête, on estime un peu la quantité de sons émises à des heures bien particulières qu'on compare d'une année sur l'autre. Voilà. La prairie de Lincoln Meadow, située dans les hauteurs de la Sierra Nevada, sur la côte ouest des États-Unis, était encore une zone vierge et intacte au début des années 80. Au printemps et au début de l'été, on pouvait y entendre les chants de nombreuses espèces d'oiseaux propres à cette région. Des bruants, des pics de Williamson, de nombreux faucons, des corvidés et une multitude de grenouilles. Une spectaculaire diversité biophonique. En 1988, une compagnie forestière a réussi à convaincre les gens de la région d'expérimenter une nouvelle méthode d'exploitation, la coupe sélective. En coupant des arbres choisis ici et là, et en laissant ainsi une grande majorité debout, ils prétendaient que l'exploitation de la forêt n'aurait aucun impact sur l'environnement. Je suis revenue sur place un an après la première coupe. La zone paraissait effectivement intacte, mais le paysage sonore montrait une toute autre réalité. Et si le ruisseau déroulait encore ses méandres dans la prairie, l'eau n'y était plus claire, mais salie, troublée par les déchets de toutes les coupes de bois. Et hormis les pics, les chants des oiseaux étaient devenus épars, fluets, presque inexistants. Cela fait maintenant 28 ans, et la biophonie ne s'est toujours pas remise. Là, je laisse ce silence assourdissant nous envahir. C'était encore Camille qui citait un extrait d'un texte de Bernie Krauser en 2017. Jérôme Sueur, Thierry Aubin, est-ce que vous avez déjà été confronté sur vos terrains d'études de recherche respectifs à des pertes de biodiversité sonore aussi marquantes, Jérôme Sueur? Aussi marquante, je ne sais pas, parce que je ne retourne pas forcément toujours au même endroit. Mais juste pour vous donner un tout petit exemple, moi au laboratoire, donc au Jardin des Plantes, en plein centre de Paris, il y a encore quelques années, de mon bureau, j'entendais un verdier. Et maintenant, j'entends plus de verdier, mais j'entends des perruches à collier. Donc, il y a déjà un changement du paysage sonore en pleine ville, avec une espèce qui n'est plus là, et puis une espèce invasive tropicale qui n'a pas grand-chose à faire ici. Thierry Aubin, est-ce que vous avez été confronté dans vos terrains de recherche à des pertes de biodiversité sonore de cette envergure ? Ah oui, oui, oui, tout à fait. Sans aller d'ailleurs dans l'exotisme. Moi, tout près de chez moi, j'habite à la campagne. Et donc, on parlait des alouettes, qui a été un de mes premiers sujets d'études. Alors, j'ai un certain âge, j'ai fait cette thèse sur l'alouette en 1982. Et autour de cet endroit, je connaissais, il y avait plein d'alouettes. Ça couvrait les champs, enfin, enchaînait. Maintenant, il m'arrive de me promener dans le même coin et j'en entends une. Voilà. Est-ce que du coup l'écho-acoustique, un de ses rôles premiers, c'est d'alerter sur la perte de biodiversité? Oui, oui, c'est on suit la biodiversité, on fait ce qu'on appelle du monitoring, pour prendre encore un terme anglo-saxon, et donc à but en effet souvent de lancer des alertes. C'est on essaye de capter ce qui se passe et de voir s'il y a des changements, dans quel sens vont ces changements. Est-ce qu'il y a une nouvelle espèce qui arrive? Est-ce qu'il y en a une qui part? Est-ce qu'il y a de la perte, etc. Alors c'est vrai que le message le plus souvent, c'est qu'on tend vers le silence. C'est possible. C'est possible aussi qu'on tende vers une sorte de globalisation acoustique, une homogénéisation des paysages sonores. Avec des espèces qui résistent mieux que d'autres, par exactement, exemple. Exactement. Des espèces qui vont être plus tolérantes au changement que d'autres. Et donc, on va retrouver un peu les mêmes espèces partout et on aura un peu le même paysage sonore partout, qu'on soit en milieu rural ou pas, ou en milieu citadin, urbain. En introduction de l'émission, je citais un chiffre un peu alarmant, qui est un chiffre avancé par ce fameux Bernie Krause de perte de 50% de son dans la nature en 50 ans. Est-ce que c'est un chiffre un peu exagéré? Aucune idée. Je ne sais pas. Je pense que c'est un chiffre qui est donné, voilà, comme une alerte. Il n'est pas quantifié scientifiquement. Ça ne doit pas être très loin, pas au niveau son. En tout cas, on le sait. Ça, par contre, il y a eu des études sur au niveau oiseaux, batraciens, etc. Là, depuis les années 70, pour certaines espèces, on dit qu'il y a 40% en moins. Hein, donc, effectivement, c'est possible. Donc finalement, le son reste un très bon moyen d'estimer la perte de biodiversité en termes de quantité. Tout à fait, c'est un très très bon moyen. C'est un moyen qui permet de le faire de manière fortement quantitative, parce qu'on peut enregistrer tout le temps, et de manière totalement non-invasive. Donc faut voir que quand on fait des études écologiques, souvent on est obligé d'aller sur le terrain, de collecter. On libère aussi, mais on peut capturer. Là, on ne fait rien, on ne touche à rien. Donc, c'est vraiment totalement non-invasif, non-perturbant. Le paresseux. Le paresseux, dis-moi pourquoi. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est-à-dire que le travail du terrain en écho-acoustique par rapport à la bioacoustique, ça n'a rien à voir. Parce que, en effet, on a un travail où on met ces appareils dans le milieu, et puis on s'en va, et puis on revient quelques semaines, quelques mois après pour récupérer des données. Alors, quand on fait du comportement comme Thierry, c'est beaucoup plus dur. Oui, je comprends. Alors, on a pas mal parlé jusqu'à présent d'oiseaux, d'animaux terrestres. J'aimerais qu'on passe un petit peu maintenant, qu'on saute à l'eau et qu'on aille voir du côté des océans. Pour qui veut entendre les sons de l'océan, il faut d'abord imaginer une manière un peu différente d'écouter. La raison principale, c'est l'énorme volume que représente l'espace marin, puisque les océans recouvrent environ 70% de la surface du globe. De ce fait, les signaux émis par les organismes de la biophonie marine sont loin d'être aussi rapprochés, concentrés, que sur la terre ferme. Ce que vous entendez maintenant est un collage, un condensé de ce qu'on entend vraiment dans l'océan. Car même si dans l'eau, les sons voyagent plus loin ou plus vite qu'à la surface, les animaux qui les émettent sont plus éloignés les uns des autres. C'est en fait une multitude de solistes qui composent la biophonie marine, plutôt qu'un grand orchestre. Mais quelle beauté à écouter! Le monde marin, on l'entend en ce moment dans la voix de Camille avec ce son de Bernie Krause, c'est pas du tout le monde du silence, comme on a l'habitude de l'appeler. Jérôme Sueur, on sait l'impact de la pollution chimique sur la plupart des espèces animales, ou encore les effets de la destruction de leur habitat. Est-ce qu'on a une idée des effets de la pollution acoustique provoquée par l'homme sur les espèces animales? Oui, oui, bien sûr. C'était beaucoup étudié en milieu marin et en milieu terrestre, à quel point les sons qui viennent des hommes perturbent le comportement des animaux, parce que tout simplement ils recouvrent leurs signaux de communication, ils n'arrivent plus à communiquer ou ils n'arrivent plus à s'orienter dans le milieu. Vraiment deux facettes importantes. Plus de communication, donc potentiellement plus de reproduction. Plus d'orientation, on ne sait plus où aller pour trouver à se nourrir ou aller pour se reproduire. Et là, oui, il faut bien insister sur un fait, c'est par exemple, là on entend des cétacés, donc leur grande peur des cétacés, c'est d'être isolés et de se perdre. Par exemple, les orques ont une peur bleue, je veux dire, de se perdre. Et bon, dans l'océan, on ne voit pas très loin. Si on plonge, on ne voit plus rien même. Et donc, l'acoustique est très utilisée. Et effectivement, si on commence à brouiller les messages et que les animaux se retrouvent plus, c'est catastrophique pour eux. En préparant cette émission, j'ai vu que les sons très forts, comme les canons à air sismique qui sont utilisés pour l'exploitation pétrolière, par exemple, se propagent jusqu'à 7000 km à la ronde. Alors, est-ce que vous, éco-acousticiens, vous êtes sollicité par ce genre d'entreprise quand elles construisent, par exemple, des plateformes offshore? Et voilà, quel est votre rôle, Thierry Aubin? Eh bien, effectivement, on est sollicité de toute façon de plus en plus, par exemple, et les militaires, d'ailleurs, qui utilisent aussi des sonars particulièrement forts de sondage, hein, aussi également, et les pétroliers sont maintenant, je ne sais pas si c'est une loi encore, mais sont tenus ou se sentent obligés de faire une prospection avant, une prospection, voir s'il y a, par exemple, au moment où ils vont faire le sondage, s'il y a des cétacés à proximité. Et là, effectivement, une des façons de le savoir, c'est d'avoir des hydrophones, hein, qui sont ces microphones que l'on peut mettre dans l'eau, en fait. Et donc, on est sollicité pour ça, oui, de plus en plus, parce que, de toute façon, il va y avoir des lois derrière qui vont obliger... pour le moment, je pense qu'ils le font de façon... ça n'a pas été spontané, mais ils le font parce qu'il faut avoir... Il y a une pression des écologistes de plus en plus forte là-dessus. Jérôme Sueur, on évoquait le fait que la présence humaine avait un impact sur ces espèces animales qui communiquent par leur voix, par leur vocalise. Est-ce que, grâce à l'écho-acoustique, on peut avoir aussi une idée de l'adaptation de certaines espèces aux pollutions sonores humaines? Et si oui, comment certaines espèces animales adaptent leur capacité de communiquer à cette pollution-là? Alors, en écho-acoustique, on estime plutôt le niveau de pollution sonore dans le paysage global. Mmh. Par exemple, on est en train d'étudier la pollution potentielle sonore par l'aviation dans un site dans le Jura, avec le parc naturel régional du Haut-Jura. Mais pour tout ce qui est vraiment effet sur le comportement, c'est plutôt de la bioacoustique. Et donc, on a vu qu'il y avait des adaptations apparemment assez rapides chez certains oiseaux. Mais il y a aussi beaucoup d'espèces animales qui ne sont pas capables de s'adapter, hein, parce qu'elles ne sont pas capables vraiment de moduler leur production sonore, notamment tous les insectes. Et donc là, si évolution il y a, c'est une évolution sur le long terme et qui sera très lente et pas forcément pleine de succès. Hein. Donc, en fait, les conséquences, c'est souvent j'arrête de chanter ou je chante plus fort, mais donc je dépense plus d'énergie. Ou je m'en vais. Mmh. Ouais, tout à fait, donc, c'est de l'évitement. Oui. Et Thierry Aubin, est-ce que justement on constate des déplacements de populations d'espèces animales par le son? Est-ce qu'on voit par exemple qu'une espèce qui vivait plus dans le sud aime remonter par le son? Ah non, par le son, non, je vois pas tellement d'exemples. Non, mais là, j'irais dans le sens de Jérôme Sueur. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des espèces qui vont être capables de s'adapter assez vite. En fait, par exemple, face à des bruits de roulement d'automobile, des bruits comme ça, vous pouvez essayer de vous adapter, de monter au-dessus de ces bruits. Alors, on peut s'adapter, il y a plusieurs façons pour les animaux de s'adapter. Il y en a qui s'adaptent, c'est ceux en général qui apprennent, parce que ça va vite. On se transmet très vite. Si c'est transmis génétiquement, ça va aller beaucoup plus lentement et on va pas s'adapter à temps, en quelque sorte. Et donc, il y a trois façons de s'adapter au bruit qui sont presque, je dirais, les trois paramètres principaux du bruit. C'est j'émets plus fort. C'est ce qu'on fait dans une gare quand on essaie de converser à distance. On parle plus fort. C'est une solution que beaucoup d'oiseaux adoptent, des villes, les rossignols. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. On a montré que le rossignol dans la ville chante plus fort que le rossignol en campagne. Donc ça, c'est une adaptation. Je chante plus haut en fréquence ou à une fréquence différente du bruit gênant anthropomorphique. Ça a été fait, montré très bien chez les mésanges, où en ville, les mésanges chantent au-dessus du bruit des voitures, alors que la même espèce en forêt chante exactement dans des fréquences qui sont celles des bruits des voitures. Donc elles ont shifté, pour prendre un mot anglais, leur fréquence vers le haut. Et puis il y a l'évitement temporel aussi. J'essaye de me placer quand les humains font plus de bruit, par exemple. Mais des déplacements sud-nord, tout ça, se sont constatés. C'est plus peut-être pour des raisons de clean vocaux, d'évolution du climat. Oui. Alors, comment est-ce que dans ces contextes-là d'évolution de la biodiversité, la bioacoustique et l'écoacoustique s'intègrent éventuellement, et je ne sais pas si c'est le cas, on va voir ensemble, à des programmes de conservation d'espèces vivantes, monsieur? Encore une fois, en faisant le suivi de cette diversité, en indiquant s'il y a des changements ou pas, et puis l'écoacoustique peut être utile à, je veux dire, n'importe quel programme de biologie de la conservation, en lien avec n'importe quelle perturbation anthropique. Ça peut être, on peut revoir par exemple comment un environnement va se réinstaller après un événement grave, comme un feu, comme un incendie, comme un tsunami. On peut suivre ça par l'acoustique. On peut suivre des programmes de restauration de l'environnement par l'acoustique. On peut essayer de faire des études d'impact avant, après une modification. On peut faire énormément de choses via l'acoustique. Alors on vit actuellement, c'est un secret pour personne, ce qu'on appelle, peut-être de façon exagérée, la sixième extinction de masse des espèces animales, végétales. Est-ce que vous avez l'impression de constituer une banque d'archives sonores de sons qui sont amenés à disparaître bientôt, Thierry Aubin? Donc nous, personnellement, on ne fait pas d'archives sonores, mais on participe à l'élaboration de ces archives sonores. Jérôme en fait une pour le muséum, qui commence à se remplir. Et effectivement, oui, on archive des sons qui, effectivement, peuvent disparaître. De toute façon, en plus, il y a aussi pour certaines espèces, il y a une espèce d'histoire des sons, parce que en début d'émission, on a évoqué ces dialectes. Mm-hmm. Il est bien évident que ces dialectes sont vivants, ils se déplacent. Mm-hmm. Et donc une alouette du 19e siècle chantait peut-être pas comme une alouette. On n'a pas d'enregistrement du 19e, mais chantait peut-être pas comme une alouette actuellement. Tout le verbe fait. Plus haut. Jérôme Sueur, sur cette question de banque sonore, ouais. Archives sonores, est-ce que vous avez l'impression de constituer finalement ce qui sera un patrimoine C'est un des rôles du Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est de documenter la biodiversité. Donc on le fait en effet sous la forme d'une sonothèque où on conserve des sons qui ont été enregistrés dans un grand nombre d'endroits dans le monde, essentiellement collectés par une personne qui s'appelle Fernand Desroussen, mais on a aussi de nombreux collaborateurs qui déposent leurs sons. Et c'est vraiment un témoignage de la diversité sonore à un endroit donné, à un temps donné. Donc on espère que c'est cette base de données, comme toutes les collections du muséum, sera utile à des chercheurs plus tard, parce que on aura des temps de référence, des données dans le passé. Pour l'instant, c'est le présent, et ça sera bientôt le passé. La grande importance, c'est ça, c'est l'inscription dans le temps long. La bioacoustique et l'écoacoustique sont des disciplines relativement jeunes qui constituent finalement leur base d'études en ce moment. On est en train de mettre ça en place, et en effet, on a des projets sur le temps long, ce qui est très difficile à faire en recherche, parce que pour des problèmes logistiques, financiers, personnels, tout, on essaie de travailler maintenant sur 10-15 ans, de faire des suivis de biodiversité acoustique, notamment dans le Jura, je l'évoquais tout à l'heure, et puis en Guyane. Donc on installe des stations acoustiques comme on met des stations météorologiques, et on va essayer de voir l'évolution de ces paysages sonores, donc sur des dizaines d'années. Thierry Aubin, l'écoacoustique, la bioacoustique, est-ce que ce sont des disciplines qui s'intègrent aujourd'hui à d'autres protocoles scientifiques? Est-ce que c'est des disciplines qui dialoguent facilement avec les autres sciences qui étudient le vivant? Mais déjà, ce sont des disciplines qui nécessitent d'avoir des connaissances. Déjà, il y a le mot acoustique dans les deux. Donc, il faut avoir des connaissances en traitement de signal. On est plus dans la physique, hein, en quelque sorte. Après, on va vers le comportement et l'écologie. Vous voyez et la physiologie, comment sont produits ces sons. Et donc, effectivement, c'est multi-science. On a d'ailleurs, moi, dans mon équipe, il y a des physiciens, quelqu'un qui est spécialiste en traitement de signal, des biologistes, et même un généticien, donc une généticienne. Jérôme Sueur, si on va un peu plus loin, est-ce que l'écoacoustique nous permet d'identifier de nouvelles espèces ou en tout cas de nouveaux comportements? Oui, tout à fait. Par l'acoustique, on a découvert de nouvelles espèces. Parce que il arrive que les espèces ne se différencient pas morphologiquement, mais juste par le son. Parce que le son est utilisé, elles utilisent le son justement pour se reconnaître au sein de leur espèce. Donc on avait notamment, enfin c'est toujours la petite histoire, mais on avait découvert une nouvelle cigale pas loin de Paris, qui était découverte uniquement par le son, par l'oreille humaine et après par l'analyse scientifique. Thierry Aubin. Et en plus, j'ajouterais, l'acoustique est extrêmement intéressante aussi, puisqu'il y a ces variations très rapides dues, par exemple, à l'apprentissage, mais aussi à des dérives génétiques. C'est que c'est des indicateurs, finalement, de l'évolution en marche. Nous, on a l'exemple, vous avez des mouettes tridactyles, ils sont des mouettes. Il y en a côté Atlantique et elles sont dispersées côté Pacifique. Quand vous émettez, après, au moment où elles se reproduisent, donc un moment très important de rencontre de deux individus, si vous émettez le champ de cours d'un mâle, par exemple atlantique, à une femelle pacifique, elle comprend plus. Donc il n'y aura pas d'accouplement. Donc ça participe à l'isolement. Ça crée une barrière, ce qu'on appelle une barrière. Et tout ça, on peut déjà prédire qu'il va y avoir deux espèces de mouettes tridactyles, rien que par l'acoustique. Est-ce que du coup le son peut nous aider à repenser la classification d'une certaine façon du vivant, ou est-ce que c'est déjà aller trop loin, Jérôme Sueur? Non, dans des cas particuliers, le son a aidé à reclasser, ce qu'on fait en taxonomie, donc à reclasser les espèces, absolument. Ça me paraît difficile de finir cette émission sans retourner dans la nature. On écoute un peu. Thierry Aubin, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on entend et comment on décrit ce paysage sonore? Alors on est en Amazonie, assez loin de Belém, au Brésil, et on entend donc des cigales au début, et puis on entend ces oiseaux qui utilisent beaucoup l'acoustique, qui je pense ne pourraient pas vivre sans. Ça s'appelle des leks, c'est des espèces de groupements de mâles dans la forêt. Et ces mâles s'unissent en quelque sorte pour attirer les femelles. On voit rien dans les forêts, donc ils chantent pour se faire voir. Et ils se mettent à plusieurs dans la forêt. Et donc on a suivi ces individus, parce qu'il y a des individus qui sont chefs d'orchestre, d'autres qui sont des satellites, etc. Comment ils se répondaient et dialoguaient. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Thierry Aubin, Jérôme Sueur, d'être venus nous prendre par l'oreille et non par la main dans ces chants sonores passionnants. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Éléonore Pérez, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Anthony Thomasson. Demain mercredi, direction les littoraux, on se demandera avec nos invités comment aménager les côtes et les îles en vue de la montée du niveau des océans.